à Montmirail par Henri de Brizay. Louis-Auguste Massard était né en 1763 à Melun. Son père, qui était établi marchand drapier rue de la Cathédrale, le plaça comme clerc chez maître Varicot, qui avait alors l'une des meilleures études de la ville. Le jeune homme était sage, studieux, attentif et tout faisait prévoir qu'il deviendrait un notaire parfait quand éclata le tonnerre de la Révolution. Comme pour bien d'autres, cette grande date changea toute sa vie. Il avait accompagné son père dans un voyage que celui-ci faisait à Paris, et cela juste au moment où Danton décrétait la patrie en danger. Il s'enrôla, lui, 100 000e, et courut annoncer ce bel exploit à son père, qui entra d'abord en fureur, ensuite pleura, et finit par lui donner un écu pour boire à la santé de la nation. Les prédictions sinistres ne lui manquèrent pas. Sa sœur Annette lui persuada qu'il serait tué à la première bataille, et son oncle Anselme, qui était droguiste, jura que jamais sa fille ne serait à ce petit drôle, qui ne manquerait pas d'être pendu comme rebelle quand le roi serait rétabli sur son trône. L'oncle Anselme était royaliste et avait une fille qui était toute charmante. On la nommait Fanchette, et elle avait vu 15 fois rougir les cerises. Malgré tout, 15 jours après ces scènes mémorables, Louis-Auguste rejoignait l'armée à Valmy et se battait sous Dumouriez. Il fut nommé sergent à Gemap. Ce fut son premier pas dans la carrière, il n'avait pas encore 20 ans. Louis Massard était un beau grand garçon, solide comme un chêne. Il avait des yeux bleus, pleins de douceur et un teint de demoiselle. Ses camarades le raillaient pour son aspect un peu féminin et l'appelaient citoyenne. Mais au feu, c'était un terrible soldat. À chaque rencontre, il se distinguait, et quand Jourdan fut nommé à l'armée du Nord, Massard était déjà sous-lieutenant. Toujours avec Jourdan, il fut à Charleroi et à Fleurus, et c'est encore avec ce général qu'il fit la campagne du Rhin. Il demeura en Allemagne jusqu'en 1797. Vers cette époque, il obtint un congé et courut montrer ses épaulettes à sa famille. Tout Melun l'admira. Son oncle, qui lui avait prédit un si fâcheux avenir, déclara qu'il serait la gloire des Massards et ne lui cacha pas qu'il ferait un joli gendre. Mais à cette époque, bien qu'on parlât beaucoup de sensibilité, d'amour champêtre et des charmes de la nature, on n'avait guère le temps que de se battre. Et le jeune homme, toujours garçon, dut bientôt rejoindre son corps. Nous retrouvons notre héros capitaine à l'armée d'Égypte. Un jour qu'il était allé porter des papiers assignés à Bonaparte, qui occupait le superbe palais de Mourad Bey, il fut introduit par un officier d'ordonnance dans le jardin intérieur où le jeune général faisait sa sieste près d'une jolie fontaine où l'eau coulait avec un bruit léger. Bonaparte avait le réveil mauvais. L'officier, qui ne se souciait pas de tirer le général de son sommeil, dit à Massard d'attendre et le laissa fort embarrassé de son personnage. Au bout de quelque temps, comme Bonaparte dormait toujours, notre capitaine, qui trouvait le soleil un peu chaud, alla s'asseoir à l'ombre d'une touffe d'énormes cactus. De l'endroit qu'il avait choisi, il pouvait surveiller le sommeil de son chef, et quoiqu'il fût parfaitement dissimulé, son regard découvrait toute l'étendue du jardin. Il s'amusa d'abord à contempler les jolies arcades blanches qui faisaient au palais une ceinture de dentelle, les fleurs ignorées aux violentes couleurs, le ciel d'un bleu profond. Rien ne troublait le calme lourd de cet après-midi d'Orient que le bruit furtif de la fontaine. La chaleur, le silence, le parfum pénétrant du jasmin, tout invitait au repos et Massard luttait contre une très douce somnolence qui l'envahissait peu à peu quand il remarqua un arabe qui glissait sur le sable du jardin d'un pas velouté. Tendant le cou, l'oreille au guet, l'œil attentif, il sortit de l'ombre que faisait la galerie et se dirigea presque en rampant vers Bonaparte. Il n'était plus qu'à 2 pas du général. Alors Massard put bien voir l'expression féroce et triomphante de sa physionomie. Il vit aussi qu'il plongeait brusquement sa main dans les plis de sa gandoura et qu'il la ressortait armée d'un poignard. Le capitaine prit son parti sans balancer. Il se leva sans bruit, parcourut en courant l'espace qui le séparait de l'arabe et le terrassa sans effort, profitant de sa surprise. Au bruit, Bonaparte s'était éveillé. D'un regard, il comprit et appela « Munier !» L'officier d'ordonnance parut et resta stupéfait du tableau. « Qu'on mette cet homme en prison et qu'on le garde avec le plus grand soin. Vous m'en répondez. » Les soldats vinrent et prirent des mains de Massard l'arabe, qui ne tenta aucune résistance et semblait résigné au sort certain qui l'attendait. Quand tout le monde fut sorti du jardin, Bonaparte dit à Massard, qui enlevait avec la main la poussière qu'il avait au genou, « Vous désirez, capitaine ? mon général, dit Massard, c'est pour ses papiers. Bon, venez dans mon cabinet. » Il passa devant et conduisit le capitaine dans une grande pièce blanche et fraîche, où il y avait des divans, des tapis, une grande table couverte de cartes dépliées et de deux chaises de paille. Un à un, il examina les papiers de service, les signa et les remit à l'officier. Massard fit le salut militaire et se dirigea vers la porte. Soudain, la voix de Bonaparte. « Capitaine !» Massard tourna sur les talons. « Mon général ?»« Votre nom ?»« Massard, mon général. »« Quel régiment ?»« 6e grenadier. »« Bien. » Sur un papier, la main fine du Corse courait, prenant des notes. « Ah, j'oubliais !» continua le vainqueur des pyramides. « Pas un mot à qui que ce soit de l'incident de tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on croie qu'on peut me tuer, vous avez compris. »« Oui, mon général. Allez !» Ce fut aussi en Égypte qu'il se lia avec un homme qui devait avoir une singulière influence sur sa destinée. Philippe d'Artois était capitaine au même régiment que Massard. C'était un jeune homme instruit, plein d'honneur et de courage. Ses belles qualités étaient malheureusement ternies par une insupportable jalousie. Cette fâcheuse disposition était chez lui presque maladive. Il souffrait réellement quand on complimentait un camarade en sa présence, et il fut malade tout de bon quand, après Jaffa, Massard fut nommé commandant. Le jeune homme, qui était la bonté même et qui ressentait beaucoup de sympathie pour d'Artois, fut très affecté de son chagrin. De son côté, Philippe luttait de toutes ses forces contre ses mauvais sentiments, et ce fut avec une réelle émotion qu'il embrassa son frère d'armes quand celui-ci s'embarqua sur le Muiron pour rentrer en France avec Bonaparte. Les deux amis se retrouvèrent à Marengo, tous deux colonels, et leur affection semblait devoir durer toujours quand une circonstance fortuite vint la rompre brusquement. Pendant plus de 4 ans, on cita les deux amis comme les modèles de la plus constante amitié, et lorsque Bonaparte, devenu Napoléon, obligé de lâcher l'Angleterre pour faire face à la coalition qui le menaçait, commença sa merveilleuse campagne de 1805. Les deux inséparables commandaient chacun un régiment de la garde, d'Artois le 2e et Massard le 13e grenadier. À Austerlitz, quand il fallut jeter dans le gouffre la réserve qui devait décider de la victoire, l'empereur lança Massard et conserva d'Artois près de lui. Massard, avec ses bonnets à poil, aborda le front de la garde impériale russe qui défendait le plateau de Pratzen. 3 fois, ses troupes d'élite attaquèrent, 3 fois, elles furent repoussées. Mais Massard les ramenait toujours, toujours moins nombreuses. Enfin, l'empereur, qui suivait tous ses mouvements avec une lorgnette, poussa un cri de joie. Le drapeau aux 3 couleurs flottait sur le plateau. Le soir, passant dans les bivouacs, l'empereur aperçut Massard, qui, devant sa tente, essayait de raccommoder son uniforme, fort endommagé par les baïonnettes russes. Napoléon prit l'oreille du colonel. « C'était chaud, Massard. »« Bon, sire, c'est toujours agréable, puisque nous sommes en hiver. »« Qu'est-ce que tu fais là ?»« Vous le voyez, Majesté, je tâche de retaper mon numéro 2. »« Et ton numéro 1 ?»« Oh, sire, les Prussiens l'ont mis en loque à Elchingen. »« Eh bien, mon vieux camarade, laisse là ton numéro 2 et tes travaux, car tu n'as plus besoin de ton uniforme. »« Pourtant, sire, je ne pense pas me battre tout nu, ce serait fort laid. »« Ce n'est plus ton uniforme, te dis-je. » « Va-t'en trouver mon maître tailleur et dis-lui qu'il te fasse un joli habit de général de brigade. »« Oh, sire !» murmura Massard, plus ému que devant un carré ennemi. « Que pourrais-je faire ? Je n'ai rien oublié, Massard !» dit l'empereur pensif en mettant sa main sur l'épaule de l'officier. « Je suis sûr que Dieu me réserve pour de grandes choses. Sans cela, tu n'aurais pas arrêté le bras du fanatique qui allait me frapper. » Il continua en entr'ouvrant sa tunique de chasseur et en montrant dans l'ouverture de la veste un manche de corne grossièrement incrusté de corail. « Tu te rappelles ? C'est le poignard du Caire. »« C'était écrit, » murmura Napoléon, qui continua sa ronde, silencieux et seul, tandis qu'autour de lui son armée de vainqueurs l'acclamait, rugissant de joie. Quand d'Artois apprit le nouveau grade de son ami, il donna libre cours à sa fureur jalouse et reprocha publiquement à Massard ce qu'il appelait ses intrigues. Massard, outré, le provoqua, mais l'empereur prévenu fit venir d'Artois, lui lava la tête et lui défendit de se battre. Dans cette âme gangrenée par l'envie, la plaie s'agrandissait chaque jour, vive et brûlante. La paix l'enrageait, il aurait voulu l'action, le bruit, la bataille, pour s'étourdir de son mal. Vint Iéna. Il fut superbe, fou de bravoure et d'audace, raillant la mort avec un tel dédain, que l'empereur le remarqua et lui donna le grade qu'il rêvait. Quand Massard apprit la nomination de son ancien ami, il lui envoya son planton avec un mot pour le féliciter et lui redemander son cœur. Le planton rapporta la lettre, elle n'était pas ouverte. Massard pleura. Général de division après Friedland, il recevait dans les derniers jours de 1808 le bâton de maréchal avec le titre de duc de Burgos et une pension de 60 000 francs. Il avait 36 ans. En l'embrassant, l'empereur lui dit « Maréchal, tu dois avoir une famille quelque part. Prends un mois de congé. Va dire bonjour à tes parents et viens me retrouver en Allemagne où j'aurai besoin de toi. » Massard se mit en route. Melun lui fit une réception dont le souvenir n'est pas encore effacé. Il y eut des arcs de triomphe, des banquets et des jeunes filles qui récitèrent des compliments en vers. Massard passa sous les arcs de triomphe, trinqua au banquet et embrassa les jeunes filles. Quand il fut en famille, dans sa petite maison, le terrible oncle, qu'il appelait maintenant monseigneur, lui présenta, en tremblant, Fanchette, devenue une fraîche commère et qui avait épousé Narcisse Lebon, propriétaire de l'hôtel de l'Anguille d'Argent. « Ah, Fanchette, lui dit Massard, si tu m'avais attendu, tu serais duchesse. » Pendant 15 jours, il goûta toutes les satisfactions de la vanité humaine. Mais cela l'ennuya bientôt, et son congé n'était pas fini qu'il partait pour l'Allemagne. Quand il eut rejoint l'armée, il apprit une affreuse nouvelle. D'Artois avait abandonné ses soldats, son drapeau, son empereur, et avait passé à l'ennemi. Il était maintenant feldmaréchal autrichien dans l'armée de l'archiduc. Le bâton donné à Massard l'avait rendu fou. Eckmühl, Essling, Bagram, la Moscova, Moscou, et le feu et la neige, et puis Lützen, Dresde et Leipzig. Enfin, l'ennemi en France. Le soir de Champaubert, le maréchal Massard, campé à Beauchamp, revenait d'examiner les positions de sa division. Il allait rentrer dans la petite maison où il était logé quand on lui frappa sur l'épaule. Il se retourna. C'était l'empereur. « Où vas-tu ? » lui demanda Napoléon. « Souper, sire. Tu m'invites ? Oh, majesté ! » dit Massard en poussant la porte pour le laisser passer. Ils se mirent à table, et l'empereur mangea de bon appétit. Il y avait une omelette au lard, un poulet maigre, des fèves et des biscuits. Deux bouteilles de Volnay, apportées des cantines impériales, arrosaient ce modeste repas. L'empereur était de bonne humeur. « Qu'est-ce que tu penses de la journée d'aujourd'hui, maréchal ?»« Je pense, sire, que voilà les alliés coupés en deux comme ce poulet, » dit Massard, qui s'attaquait à la volaille. Napoléon se mit à rire. « Ce n'est rien encore. » Mais demain je bats Sacken à Montmirail. Qu'est-ce que tu as ? Le maréchal venait de pâlir. Je ne sais, sire, c'est ce nom de Montmirail qui m'a frappé. C'est curieux ce que j'éprouve, c'est comme une peur. Peur, toi, le héros d'Austerlitz ? Oui, majesté, peur, il m'arrivera malheur demain. Bon, dit l'empereur, qui, superstitieux comme il était, se sentait frappé par l'accent de Massard, mais n'en voulait rien laisser paraître. Bon, c'est de la fatigue. Tu vas dormir 5 heures, et demain il n'y paraîtra plus. Après avoir pris son café, Napoléon sortira. Le lendemain, qui était le 11 février 1814, comme le maréchal Massard allait prendre le commandement de sa division, les maréchaux alors n'avaient plus que des divisions ou des brigades, il passa devant l'empereur, qui l'appela de la voix et du geste. « Maréchal, lui dit-il, je vais vous donner un poste d'honneur. Vous voyez là-bas la ferme de Hauteville. Il faut vous y maintenir coûte que coûte pendant 4 heures. » Tout l'effort de l'ennemi se portera sur vous, tandis que je le prendrai à revers et que je le culbuterai. Allez !» Massard s'inclina et partit à fond de train pour prendre la tête de ses colonnes. Il délogea 2 régiments prussiens qui occupaient la ferme et s'installa avec 6 batteries et 4 000 hommes dans la position que l'empereur lui avait indiquée. Bientôt, il eut toutes les forces alliées sur les bras. Il repoussa tous les assauts avec ses conscrits qui se battaient comme de vieux soldats. Sacken, fatigué de cette lutte où il perdait beaucoup de monde, fit alors concentrer le feu de 20 batteries sur la ferme. Les canons français ripostèrent vaillamment, mais bientôt, broyés par la trompe de fer, ils se turent. Des 36 bouches à feu, il n'en restait pas 3 intactes. Ce fut alors que les alliés tentèrent une attaque générale. Massard tira sa montre. « Il faut encore tenir une demi-heure, » dit simplement le maréchal aux officiers qui l'entouraient. Ceux-ci, d'un geste désespéré, montrèrent à leur chef les débris de leur régiment et les masses profondes des ennemis qui escaladaient les premières pentes de la colline. « N'importe, messieurs, » reprit le maréchal, « j'ai promis à sa majesté de tenir 4 heures. Il y a 3 heures et demie que nous sommes ici. Ce n'est plus qu'une affaire de minutes. Faites-vous tuer le plus lentement possible. » Les officiers crièrent « Vive l'empereur !» et allaient reprendre leur poste de combat. Ce fut une lutte admirable. Chacun des petits soldats fut un héros, mais les ennemis étaient trop nombreux. Avec les quelques hommes qui restaient, Massa se retrancha dans les bâtiments de la ferme et fit dresser l'aigle qui déplia sa soie au soleil pâle. Cette vue donna une force nouvelle à tout ce qui était debout. Les mourants eux-mêmes se relevèrent en trébuchant. Le choc, des cris, de la fumée, du sang. Massa, qui semblait invulnérable dans cette tempête, regarda l'heure. « Encore 10 minutes, messieurs, » dit-il d'une voix tranquille. Personne ne lui répondit. Il regarda. Autour de lui, il n'y avait que des morts et quelques soldats lassés de tuer qui, affaissés, attendaient la mort avec une résignation farouche. Massa enleva le drapeau des mains du grenadier qui le tenait et l'élevant tant qu'il put, il cria. « Au drapeau ! Laisserez-vous à l'ennemi le drapeau de la France ?» Une centaine d'hommes à peu près vinrent se grouper autour de l'aigle. Mais les habits blancs franchissaient les murs et les balles pleuvaient toujours. Le maréchal sentit soudain la hanche comme un coup de fouet et chancela. « Au drapeau !» répétait-il d'une voix stridente. Tout à coup un cri qui domina le fracas de la bataille. « Massa ! Massa ! Tiens bon, je viens !» Et fendant les rangs des ennemis qui n'étaient pas à 30 pas, un homme parut. Il courait pour venir jusqu'au maréchal et tout en courant, il arrachait son uniforme brodé d'or. Quand il fut auprès du drapeau, il s'arrêta, le regarda, cassa son épée sur son genou et ramassant un fusil de grenadier, il vint se mettre aux côtés du maréchal. « Tarre-toi !» murmura Massa tout bas. Alors, ce fut sublime. Cramponnés au drapeau, les deux hommes se laissaient arracher plutôt que de le rendre. On s'acharna sur eux, mais ils semblaient plus forts que la mort. Soudain, des commandements, des claironnés, des appels, et comme un troupeau qu'épouvante l'orage, toute l'armée des alliés s'enfuit en désordre, l'empereur. Il arrivait au galop de chasse de sa jument, poussant tout devant lui, culbutant kaiserlik et cosaques, canons et soldats, invincibles encore. Devant la ferme, il s'arrêta. Toujours debout, Massard et d'Artois tenaient l'aigle. Napoléon reconnut le déserteur d'autrefois. Il posait sur lui son regard lumineux qui avait compris le sublime remords. Alors d'Artois fléchit et il dit « Pardon ». Debout, d'Artois, tout est oublié. Je ne peux plus, sire. Adieu, majesté, dit Massard, qui s'abattit près de son ami. Napoléon passa sa main sur son visage pour qu'on ne vît pas une larme. D'Artois fit un effort, se souleva à demi, puis retomba sur la poitrine de Massard, qui râlait. Le drapeau, que rien ne soutenait plus, s'abattit sur eux, faisant aux deux soldats un linceul magnifique. Napoléon dit d'une voix brève, « On les enterrera, ainsi qu'ils sont, enlacés et enveloppés du drapeau. Mais auparavant, je veux que toute l'armée défile devant eux et rende les honneurs. Les musiques joueront. » Puis il retira son petit chapeau, saluant les morts. Ainsi s'achève, à Montmirail, par Henri de Brizay.